jamais être complice de l'inculture destructrice. Pour l'amour, toi tu pries, tu mets à mort. Les absents ont toujours tort. Quoi que l'homme fasse, Dieu existe pour servir les intégristes. Tu le sais, nous sommes hybrides, moitié fou, moitié lucide. Et peu à peu tu t'indiffères de toutes ces vies. Qui pourrait peut-être un jour sauver vos vies, vos âmes perdues, pouvoir courir dans la cour sans sniper au coin d'une rue. Mais à vos corps défendants, l'enfant fragile devenu grand n'a jamais connu l'espoir d'une libre pensée exutoire. Alors doit-on laisser faire dans ce monde, cet univers, peu importe le pardon, ton cœur est fait de béton, et peu à peu je m'indiffère de tous ces morts, de toutes ces guerres, et peu à peu tu t'indiffères. Ces vies éphémères.